Comme tu veux. Comme tu veux. J'essaye de... Ouais, j'ai pas une vue pour ça, mais j'essaye de regarder les lunettes. La ramasse complète, mais c'est joli. Faudrait que je m'écrive les accords. D'un côté. CDE. CFB, CDE. Thank you. Thank you.